suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 25. Lektion 25. Dans notre dernière leçon, nous avons vu le conditionnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on forme l'impératif en luxembourgeois. La plupart des verbes en luxembourgeois ont un « n » à la fin. « Bringen », « apporter »,« füllen », »,« remplir »,« fümmen », »,« fumer », »,« flecken », »,« réparer », »,« fuhren », »,« conduire », »,« gehen », »,« aller », »,« helfen », »,« aider », »,« holen », »,« prendre », »,« essen », »,« manger », »,« kochen », »,« cuisiner », etc. Pour former l'impératif pour le singulier « tu », on enlève la terminaison « en » de l'infinitif. Alors « machen » devient « mar ». Pour former le pluriel, on ajoute un « t ». « Macht »,« machen »,« mar »,« macht ».« Bring mir dat »,« apporte-moi ça »,« bring mir dat ».« Füllt Gläser »,« remplis les verres »,« füllt Gläser ».« Fuhr mich los », »,« conduis plus lentement »,« fuhrt mich los ».« Helf ihm bei seinen Hausaufgaben », aide-lui avec son travail à domicile. Helft him bei seinen Hausaufgaben. Fleck de pneu. Répare le pneu. Fleck de pneu. Pass op. Fais attention. Pass d'op. Avec quelques verbes par contre, le mot impératif est irrégulier, comme par exemple avec gin, qui veut dire à la fois donner et devenir. Nous obtenons geuf au singulier et git au pluriel. Geuf mon dein Mantel. Donne-moi ton manteau, gib-moi ihre Mantel. Gehen, aller devient geh au singulier et git au pluriel. Geh heim, va à la maison, git heim. Sinn, être, devient sief au singulier et sit au pluriel. Sief, brav, sois gentil, sit, brav. Obstehen, se lever, devient steh op au singulier et stit op au pluriel. Steh op, das ningawa. Lève-toi, il est 9h. Steh op, das ningawa. Il est clair que cette forme est très autoritaire. Pour atténuer cette forme, on peut ajouter le s'il vous plaît. Passt op, wann ich gelift. Bring mir dat, wann ich gelift. Bringt mir dat, wann ich gelift. Helft ihm, wann ich gelift. Helft ihm, wann ich gelift. On peut bien sûr remplacer l'impératif en disant tu fais cela. Du fleckst de pneu. Dir fleckt de pneu. Du passt lo op. Dir passt lo op. Du helfst ihm bei seinen Hausaufgaben. Dir helft ihm bei seinen Hausaufgaben. Il y a aussi des situations où vous souhaitez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, sans vouloir donner l'impression d'être autoritaire, ou bien vous voulez simplement être poli. Il y a bien sûr différents degrés de politesse. Vous pouvez adapter vos vœux et demandes à chaque situation. La façon la plus facile est de faire de votre ordre une question. Au lieu de dire, par exemple, « Aide-lui avec son travail à domicile », vous dites « Vas-tu lui aider avec son travail à domicile ?»« Helf dir him. »« Machst du das Fenster auf, wenn ich gelift ?»« Vas-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît ?»« Mach dir das Fenster auf, wenn ich gelift ?» Vous pouvez aussi employer « pouvoir ».« Kannst du ihm helfen ?»« Können dir ihm helfen ?» Pour être encore plus poli, utilisez le conditionnel. Voudrais-tu lui aider? Gingst du ihm helfen? Ging dir ihm helfen? Gingst du mir dat gin? Ging dir mir dat gin? Une variation en est, pourrais-tu lui aider? Kennst du ihm helfen? Ging dir ihm helfen? Kennst du mir dat gin? Ging dir mir dat gin? Mais vous pouvez être encore plus poli. Vous pouvez dire, je serais content si tu ne fumais pas. Ich wäre froh, wenn's du nicht fumme gingst. Ich wäre froh, wenn dir nicht fumme gingst. Ich wäre froh, wenn du de Pneuflecke gäfst. Ich wäre froh, wenn dir de Pneuflecke gäfst. Ou bien vous dites, est-ce possible pour toi de ne pas fumer? Is it möglich, dass du nicht fumst? Is it möglich, dass dir nicht fumst? Is it möglich, dass du mich beim Auto matt hältst? Est-ce possible que tu m'amènes en voiture? Is it möglich, dass dir mich beim Auto matt hält? Prenons un exemple. Imaginez-vous que vous êtes à la réception d'un hôtel 4 étoiles où les clients demandent toutes sortes de choses. Gib mir ein Zimmer mit Dusche, wenn ich gelift. Donnez-moi une chambre avec douche, s'il vous plaît. Kann ich bei euch timbre kaufen? Est-ce que je peux avoir des timbres chez vous? Könnt ihr mir ein Taxi rufen? Pouvez-vous m'appeler un taxi? Wäre es möglich, eine Stadtplan zu kreieren? Serait-il possible d'avoir un plan de ville?